إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد. Continue la lecture, la traduction du tafsir de Cheikh Abdul Rahman ibn Nasser al-Sa'di, rahimahullah ta'ala. Alors, de la semaine dernière, on avait entamé l'exégèse de Surat Ar-Rahman, Surat, le tout miséricordieux. On s'est arrêté à l'explication du 28e verset de cette sourate. قال الله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. Donc il dit سبحانه وتعالى, selon le sens, dans les versets 29 et 30, ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implore. Chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? قال الشيخ السعدي رحمه الله أي هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته وهو واسع الجود والكرم فكل الخلق مفتقرون إليه يسألونه جميع حوائجهم بحالهم ومقامهم ولا يستغنون عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك وهو تعالى كل يوم هو في شأن يغني فقيرا ويجبر كسيرا ويعطي قوما ويمنع آخرين ويميت ويحيي ويرفع ويخفض لا يشغله شأن عن شأن ولا تغلطه المسائل ولا يبرمه الإلحاح الملحين ولا يبرمه إلحاح الملحين ولا يبرمه إلحاح الملحين ولا طول مسألة السائلين فسبحان الكريم الوهاب الذي عمت مواهبه أهل الأرض والسماوات وعم لطفه جميع الخلق في كل الآنات واللحظات وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء معصية العاصين ولا استغناء الفقراء الجاهلين به وبكرمه وهذه الشؤون التي أخبر أنه تعالى كل يوم هو في شأن هي تقاديره وتدابيره التي قدرها في الأزل وقضاها لا يزال تعالى يمضيها وينفذها في أوقاتها التي اقتضته حكمته وهي أحكامه الدينية التي هي الأمر والنهي والقدرية التي يجريها على عباده مدة مقامهم في هذه الدار حتى إذا تمت هذه الخليقة وأفناهم الله تعالى وأراد تعالى أن ينفذ فيهم أحكام الجزاء ويريهم من عدله وفضله وكثرة إحسانه ما به يعرفونه ويوحدونه نقل المكلفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار الحيوان. Donc il dit à Cheikh Saadi rahimahullah ta'ala en expliquant ces versets 29 et 30 de Sourate Ar-Rahman. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala se suffit à lui-même. Il n'a besoin d'aucune de ses créatures subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal est doté d'une immense générosité et bonté. Et toutes les créatures ont besoin de lui. Ces créatures exposent à Allah azza wa jal leurs demandes dans leurs différentes situations et selon leurs différentes langues. Ils ne peuvent se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil et bien plus court encore. Et Allah azza wa jal dit « Kulla yawmin huwa fi sha'n » selon le sens, chaque jour, il accomplit une nouvelle œuvre. Il enrichit un pauvre, il soulage un blessé, il donne à des peuples, prive d'autres, il fait mourir et fait vivre, il élève et rabaisse, et une œuvre ne l'empêche pas de faire l'autre. Et Allah Azzawajal ne se trompe pas sur les demandes, et il n'est pas importuné par ceux qui insistent dans leurs demandes, ni par ceux qui font des demandes longues. Pureté à lui, subhanahu wa ta'ala, le généreux et le donateur. Celui dont les dons profitent à l'ensemble des habitants des cieux et de la terre, et sa douceur, subhanahu wa ta'ala, englobe l'ensemble de ses créatures à chaque instant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, ne se prive pas de donner malgré la désobéissance des désobéissants. Et il ne se prive pas d'enrichir les pauvres ignorants et ceux qui sont ignorants de lui et de sa bonté subhanahu wa ta'ala. Et ses œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala informe qu'il fait des nouvelles œuvres chaque jour, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal met en application et décrète ce qu'il a prédestiné, subhanahu wa ta'ala, et il ne cesse de mettre en application toutes les prédestinations au moment où sa sagesse divine, subhanahu wa ta'ala, décide de le faire. Et ses œuvres, ce sont les jugements en rapport, les jugements religieux, à savoir les commandements et les interdits, et également les jugements relatifs à la prédestination qu'Allah subhanahu wa ta'ala met en application sur ses serviteurs durant leur vie d'ici-bas. Jusqu'à ce qu'Allah azawajal fasse mourir cette création, et qu'il les fasse disparaître, alors Allah Azza wa Jal appliquera sur eux les jugements de la rétribution et leur montrera sa justice, ses bienfaits nombreux, subhanahu wa ta'ala, une justice et des bienfaits à travers lesquels ces créatures connaîtront Allah Azza wa Jal et feront preuve de monothéisme à son égard. À ce moment, lorsqu'Allah Azza wa Jal voudra appliquer la rétribution, il les fera basculer de cette vie d'ici-bas, la vie de l'épreuve, vers la vie de l'au-delà. ثم قال تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Allah Azza wa Jal dit dans les versets 31 à 32, « Nous allons bientôt entreprendre votre jugement, ô vous les deux charges, c'est-à-dire les hommes et les djinns. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ?» قال الشيخ السعدي وفرغ حينئذ لتنفيذ هذه الأحكام التي جاء وقتها وهو المراد بقوله وهو المراد بقوله سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان أي سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في دار الدنيا. Donc il dit rahimahullah qu'Allah Azza wa Jal entreprendra ensuite, lorsqu'il aura fait mourir les créatures et lorsqu'il les aura fait disparaître, il entreprendra, subhanahu wa ta'ala, l'application de la rétribution. C'est-à-dire qu'il entreprendra le jugement et la rétribution et votre rétribution selon les actes que vous avez œuvrés dans cette vie d'ici-bas. ثم قال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Donc Allah Azza wa Jal dit ensuite dans les versets 33 et 34: Ô peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي إذا جمعهم الله في موقف القيامة أخبرهم بعجزهم وضعفهم وكمال سلطانه ونفوذ مشيئته وقدرته فقال معجزا لهم: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض أي تجدون منفذا مسلكا تخرجون به عن ملك الله وسلطانه فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أي لا تخرجون عنه إلا بقوة وتسلط منكم وكمال قدرة وأنى لهم ذلك وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ففي ذلك الموقف لا يتكلم أحد إلا بإذنه ولا تسمع إلا همسا وفي ذلك الموقف يستوي الملوك والمماليك والرؤساء والمرؤوسون والأغنياء والفقراء. Il dit رحمه الله, c'est-à-dire que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala les réunira dans cet endroit de rassemblement le jour du jugement, Allah Azza wa Jal les informera de leur incapacité et de leur faiblesse et il leur informera de son pouvoir parfait subhanahu wa ta'ala et le fait qu'Allah Azza wa Jal met en application sa volonté. Il leur dira, en leur montrant leur incapacité: « Ô peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, c'est-à-dire si vous trouvez une issue, si vous trouvez un chemin de sortie par lequel vous pouvez quitter le royaume d'Allah et son pouvoir, fanfudhu, alors faites-le, la tanfudhuna illa bisultan, mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir, c'est-à-dire d'un pouvoir fort. » C'est-à-dire que vous ne pourrez sortir du domaine des cieux et de la terre que par une force et un pouvoir vous appartenant et d'une capacité illimitée. Et c'est une chose qu'ils ne possèdent pas. Ils ne peuvent pour eux-mêmes ni bien ni mal. Ils ne peuvent repousser la mort, ni apporter la vie, ni se ressusciter. Dans ce lieu de rassemblement, personne ne parlera sans l'autorisation d'Allah. وَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَ Et tu n'entendras ce jour-là que des chuchotements. Sur cette place du rassemblement, les rois et leurs sujets seront au même niveau. Les présidents et ceux qui sont sous leur autorité seront au même niveau, de même que les riches et les pauvres seront au même niveau. ثم قال تعالى: يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. Il dit عز وجل, selon le sens dans les versets 35 et 36, il sera lancé contre vous un jet de feu et de fumée et vous ne serez pas secourus. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? ثم ذكر ما أعد لهم في ذلك الموقف العظيم فقال يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان أي يرسل عليكم لهب صاف من النار ونحاس وهو اللهب الذي قد خالطه الدخان والمعنى أن هذين الأمرين الفظيعين يرسلان عليكما يا معشر الجن والإنس ويحيطان بكما فلا تنتصران لا بناصر من أنفسكم ولا بأحد ينصركم من دون الله. ولما كان تخويفه لعباده نعمة منه عليهم وسوطا يسوقهم به إلى أعلى المطالب وأشرف المواهب امتن عليهم فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان. Puis Allah Azza wa Jalla a cité ce qui leur a préparé dans ce lieu de rassemblement immense. Il dit Azza wa Jalla selon le sens, il sera lancé contre vous un jet de feu et de fumée et vous ne serez pas secourus. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? C'est-à-dire que l'on enverra aux djinns et aux humains des flammes pures, des flammes qui émanent d'un feu pur, et des flammes qui seront mélangées à de la fumée. Et le sens est que ces deux choses effrayantes seront envoyées sur vous, ô les djinns et les humains, et ces choses vous encercleront, et vous ne trouverez personne pour vous secourir. Vous ne pourrez vous secourir vous-même et vous ne trouverez personne pour vous secourir en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parce que le fait qu'Allah azza wa jal fasse redouter ses serviteurs en leur citant ce genre de châtiment, ceci est un bienfait d'Allah azza wa jal sur eux. Et ceci est un fouet qui va pousser ses serviteurs à atteindre les plus hauts degrés. C'est donc une faveur de la part d'Allah Azza wa Jal de nous citer les châtiments qui sont réservés à ceux qui lui désobéissent dans cette vie d'ici-bas, des châtiments qui seront préparés pour eux le jour du jugement. C'est donc un moyen à travers lequel Allah Azza wa Jal nous fait peur et c'est un moyen qui permet aux croyants d'atteindre les hauts degrés. C'est donc un bienfait d'Allah. C'est pour cela qu'il conclut par le verset 35 « فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ » Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? ثم قال تعالى فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان أي يوم القيامة من شدة الأهوال وكثرة البلبال وترادف الأوجال فانخسفت شمسها وقمرها وانتثرت نجومها فكانت أي السماء من شدة الخوف والانزعاج وردة كالدهان أي كانت كالمهل والرصاص المذاب ونحوه كالرصاص المذاب ونحوه فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان أي سؤال استعلام بما وقع لأنه تعالى عالم الغيب والشهادة والماضي والمستقبل ويريد أن يجازي العباد بما علمه من أحوالهم وقد جعل لأهل الخير والشر يوم القيامة علامات يعرفون بها كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. Donc ici, Cheikh Saadi رحمه الله explique les versets 37 à 40. والله عز وجل dit فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Les versets 37 à 40, Allah Azza wa Jal dit selon le sens, puis quand le ciel se fendra et deviendra alors écarlate comme le cuir rouge, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Alors ni aux hommes ni aux djinns on ne posera des questions à propos de leurs péchés. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Cheikh Saadi rahimahullah dit, c'est-à-dire que le jour du jugement, où il y aura des tourments effroyables, le jour du jugement où il y aura énormément d'inquiétudes et où les différentes sortes de peurs se succéderont, le jour où le soleil et la lune s'éclipseront, le jour où les étoiles se disperseront, le ciel sera alors, de par la grande peur et la déstabilisation, sera écarlate comme le cuir. Et ici, dans le Mus'haf, ils traduisent écarlate comme le cuir, qui est une des deux explications de Wardatan Kaddihan. Certains disent, parmi les Mufassirines, que c'est comme le cuir rouge. Et d'autres, et c'est l'avis de Cheikh Sa'di, disent, c'est-à-dire que le ciel fondra et sera comme du plomb fondu ou autre. Les terreurs seront nombreuses ce jour-là, les tourments seront effrayants également, et les créatures célestes seront déstabilisées. Le soleil et la lune s'éclipseront, les étoiles se disperseront et le ciel se fendra et fondra comme du plomb fondu. Puis il dit, Subhanah, alors ni aux hommes ni aux djinns, on ne posera de questions. C'est-à-dire des questions qui ont pour but de demander des informations sur ce qui a eu lieu. Car Allah, Subhanahu wa ta'ala, est parfaitement connaisseur de l'invisible et de ce qui est apparent. Allah, Azza wa Jal, est parfaitement connaisseur du passé et du futur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala veut rétribuer ses serviteurs de par ce qu'il connaît de leur situation subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal a fait en sorte que les gens du bien et les gens du mal le jour du jugement aient des signes qui les distingueront. Comme l'a dit Allah azza wa jal, le jour où des visages seront blancs et d'autres seront noircis. Donc ici, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, alors ni aux hommes, ni aux djinns, on ne posera de questions à propos de leurs péchés. Est-ce que les gens, les hommes et les djinns, seront questionnés sur leurs péchés? Oui ou non? Oui ou non? Oui, ils seront questionnés. Mais ici, ce qu'Allah Azza wa Jal nie, il ne leur posera pas la question pour leur demander ce qui s'est passé. Mais Allah Azza wa Jalla leur posera la question, et c'est une question qui sera posée dans le but de condamner et dans le but de réprimander la personne. Car Allah Azza wa Jalla sait parfaitement ce que ses serviteurs font. Donc si c'est des questions pour demander ce que la personne a fait, c'est que ce genre de questions ne seront pas posées par Allah Azza wa Jal. Mais Allah Azza wa Jal posera les questions dans le but de réprimander et de condamner la personne. ثم قال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Puis il dit Azza wa Jal selon le sens dans les versets 41 et 42, on reconnaîtra les criminels à leurs traits. Ils seront donc saisis par les toupets et les pieds. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ay, fayukhadu binawasil mujrimina wa aqdamihim. فيلقون في النار ويسحبون فيها وإنما يسألهم تعالى سؤال توبيخ وتقرير بما وقع منهم وهو أعلم به منهم ولكنه تعالى يريد أن تظهر للخلق حجته البالغة وحكمته الجليلة. Il dit, Cheikh Sa'di, en expliquant ce verset 41, C'est-à-dire que les criminels seront saisis par leur toupet. Le toupet, c'est... Non, c'est quoi le toupet ? Par le toupet et les pieds. Non ? Non, le toupet, c'est les cheveux qu'il y a en l'avant de la tête. Donc, ils seront saisis par les cheveux qu'il y a sur l'avant de la tête et sur leurs pieds. Et ils seront saisis également par leurs pieds et ils seront traînés et jetés en enfer. Puis, Cheikh Saadi dit, Allah Azza wa Jal les questionnera plutôt en leur posant des questions qui ont pour but de réprimander et des questions qui ont pour but de leur faire admettre ce qu'ils ont commis comme péché. Alors qu'Allah Azza wa Jal est bien mieux connaisseur de ce qu'ils ont fait qu'eux-mêmes. Mais Allah Azza wa Jal, en posant ces questions qui ont pour but de réprimander et de faire reconnaître aux criminels leur péché, Allah Azza wa Jal veut par cela montrer à ses serviteurs qu'il a des preuves évidentes et que sa sagesse est divine, subhanahu wa ta'ala. ثم قال تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. Il dit subhanahu wa ta'ala, selon le sens, dans les versets 43 à 45, voilà l'enfer que les criminels traitaient de mensonge. Ils feront le va-et-vient entre lui, c'est-à-dire l'enfer, et une eau bouillante extrêmement chaude. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? قال الشيخ السعدي رحمه الله أي يقال للمكذبين بالوعد والوعيد حين تسعر الجحيم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون فليهنهم تكذيبهم بها وليذوقوا من عذابها ونكالها وسعيرها وأغلالها ما هو جزاء لتكذيبهم يطوفون بينها أي بين أطباق الجحيم ولهبها وبين حميم آن أي ماء حار جدا قد انتهى حره فبأي آلاء ربكما تكذبان. C'est-à-dire qu'il sera dit à ceux qui ont traité de mensonge les promesses d'Allah Azza wa Jal ainsi que ses menaces. Il sera dit à ces personnes qui ont traité de mensonges tout cela, lorsque l'enfer sera apporté, voilà l'enfer que les criminels traitaient de mensonges. Ainsi que viennent les sauver le fait qu'ils aient traité de mensonges l'enfer et qu'ils goûtent à son châtiment, qu'ils goûtent aux punitions, qu'ils goûtent à la fournaise et au carcan, comme rétribution sur le fait qu'il les traitait de mensonges. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا Ils feront le va-et-vient entre lui, c'est-à-dire entre les différents étages de l'enfer et entre ses différentes flammes. Ils feront le va-et-vient entre l'enfer et une eau bouillante extrêmement chaude, c'est-à-dire une eau extrêmement chaude qui ne peut pas être plus chauffée. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? ثُمَّ قَالَ تَعَالَى وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان Donc Allah Azza wa Jal dit selon le sens dans les versets 46 à 65 Pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Aux branches touffues, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Ils y trouveront deux sources courantes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Ils contiennent deux espèces de chaque fruit. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart, et les fruits des deux jardins seront à la portée. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Ils y trouveront les houris au regard chaste, qu'avant eux aucun homme ou djinn n'aura défloré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Elles seront aussi belles que le rubis et le corail. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Y a-t-il d'autre récompense pour le bien que le bien ? Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? En deçà de ces deux jardins, il y aura deux autres jardins. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Ils sont d'un vert sombre. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? قال الشيخ السعدي رحمه الله أي وللذي خاف ربه وقيامه عليه فترك ما نهى عنه وفعل ما أمره به له جنتان من ذهب آنيتها وحليتهما وبنيانهما وما فيهما إحدى الجنتين جزاء على ترك المنهيات والأخرى على فعل الطاعات ومن أوصاف تلك الجنتين أنهما ذواتا أفنان أي فيهما من ألوان النعيم المتنوعة نعيم الظاهر والباطن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أن فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة ذوات الغصون الناعمة التي فيها الثمار اليانعة الكثيرة اللذيذة أو ذوات أنواع وأصناف من جميع أصناف النعيم وأنواعه جمع فن أي صنف Donc il dit rahimahullah, c'est-à-dire que celui qui craint son Seigneur et celui qui craint d'être exposé devant Allah subhanahu wa ta'ala et délaisse ce qu'Allah a interdit et fait ce qu'Allah lui a ordonné, alors à lui deux jardins d'or. Les ustensiles seront en or, les bijoux, les constructions et tout ce qu'il y est contenu. L'un des jardins est une rétribution parce qu'il a délaissé les interdits et l'autre jardin lui est accordé parce qu'il a accompli les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les descriptions de ces deux jardins, ce sont des jardins aux branches touffues. C'est-à-dire qu'il y a dans ces jardins des bienfaits diverses, des bienfaits apparents et cachés de différentes couleurs. Il y a là-bas ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, et ce que nul cœur humain n'a ressenti. Il y a dans ces jardins des arbres en grande quantité, qui ont des branches bien garnies, des branches pleines de fruits mûrs, en grande quantité et exquis. Et la deuxième signification de Zawata Afnan, c'est-à-dire que ce sont que ces deux jardins contiennent de nombreuses formes de bienfaits. De nombreuses formes de bienfaits. Et ici, Afnan serait le pluriel de Fan, qui est une catégorie. Donc, ces deux jardins contiendraient énormément de catégories aussi diverses que variées de bienfaits. Et l'autre explication est Zawat Afnan aux branches touffues, c'est-à-dire aux branches des arbres, aux branches garnies de fruits mûrs et exquis. وفي تلك الجنتين عينان تجريان يفجرونها على ما يريدون ويشتهون فيهما من كل فاكهة من جميع أصناف الفواكه زوجان أي صنفان كل صنف له لذة ولون ليس للنوع الآخر متكئين على فرش بطائنها من استبرق هذه صفة فرش أهل الجنة وجلوسهم عليها وأنهم متكئون عليها أي جلوس تمكن واستقرار وراحة كجلوس من الملوك على الأسرة وتلك الفرش لا يعلم وصفها وحسنها إلا الله سبحانه وتعالى حتى إن بطائنها التي تلي الأرض منها من استبرق وهو أحسن الحرير وأفخره فكيف بظواهرها التي تلي بشرتهم في الجرح رحمه الله Et dans ces deux jardins, il y aura deux sources d'eau courantes que les gens du paradis, et on verra qui ce sont, qui profitera de ces délices de façon particulière, feront jaillir et qu'ils feront jaillir selon leurs souhaits et leurs désirs. Ils contiennent, c'est-à-dire ces deux jardins, de chaque fruit, c'est-à-dire de l'ensemble des types et des catégories de fruits deux espèces. C'est-à-dire, dans chaque catégorie de fruits, il y aura deux types. Dans chaque catégorie, il y aura deux types. Chacun des types sera exquis et aura une couleur différente de l'autre. Muttaki'ina ala furushin bata'inuha min istabraq. Accordés, accoudés sur des tapis doublés de brocart. Qu'est-ce que le brocart? Le brocart, c'est ce qu'il y a de plus prestigieux comme soie. C'est ce qu'il y a de plus prestigieux comme soie. Et souvent, le brocart, l'on parle de brocart lorsque la soie est tissée. Lorsque il y a des représentations ou des figures qui sont tissées avec des fils d'or ou d'argent. Donc, cher Oussaadi dit, ainsi seront les tapis et sera la tapisserie des gens du paradis. Et ainsi, ils s'assiront dessus. C'est-à-dire que leurs tapis seront doublés de brocart et qu'ils seront accoudés sur ces tapis. Ils auront une posture qui montrera leur stabilité et leur tranquillité ainsi que leur sérénité. Ils seront assis comme les rois s'assied sur leur divan. Et ces tapis, Allah Azza wa Jal est le seul qui en connaît la description précise ainsi que la beauté, au point que ce qui fait face à terre de ses tapis est en brocart. Bata'inuha min istabraq. Bata'inuha, c'est-à-dire le dessous du tapis est en brocart. Or, en général, les tapis, la partie qui est en dessous est la partie la plus rigide et celle qui est de moindre qualité. Vous prenez n'importe quel tapis, le dessus est toujours plus confortable, plus beau, plus doux que le dessous. Et Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il parle des tapis des gens du paradis, le dessous est en brocart. Cheikh Saadi dit, que dire alors du dessus des tapis qui touche directement le corps des gens du paradis. وجنى الجنتين دان الجنى هو الثمر المستوي أي وثمر هاتين الجنتين قريب التناول يناله القائم والقاعد والمضطجع فيهن قاصرات الطرف أي قصرن طرفهن على أزواجهن من حسنهم وجمالهم وكمال محبتهن لهم وقصرن أيضا طرف أزواجهن عليهن من حسنهن وجمالهن ولذة وصالهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان أي لم يللهن قبلهم أحد من الإنس والجن بل هن أبكار عرب متحببات إلى أزواجهن بحسن التبعل والتغنج والملاحة والدلال ولهذا قال كأنهن الياقوت والمرجان وذلك لصفائهن وجمال منظرهن وبهائهن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أي هل جزاء من أحسن في عبادة الخالق ونفع عبيده إلا أن يحسن إليه بالثواب الجزيل والفوز الكبير والنعيم المقيم والعيش السليم فهاتان الجنتان العاليتان للمقربين وجنى الجنتين دان Les fruits des deux jardins seront à leur portée. Et les fruits, al-jana, ce sont les fruits qui sont suspendus. Al-jana, ce sont les fruits suspendus. Car il y a les fruits suspendus aux arbres, et il y a les fruits qui sortent de terre. Parmi les fruits qui sortent de terre, la fraise. Al-jana, c'est-à-dire les fruits suspendus. Et les fruits suspendus de ces deux jardins seront proches. Les gens du paradis pourront les atteindre, qu'ils soient debout, assis ou même allongés. فيهن قاصرات الطرف. Ils y trouveront les houris au regard chaste. C'est-à-dire que leur regard, c'est-à-dire le regard des houris, sera restreint à leur mari, de par la beauté de leur mari et parce qu'elles éprouveront un immense amour pour eux. De même qu'elles feront en sorte que leur mari restreigne leur regard vers elles, de par leur beauté à elles. Puis Allah Azza wa Jalla dit « لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان » qu'avant eux, aucun homme, aucun djinn ni homme n'aura défloré. C'est-à-dire que personne parmi les êtres humains et les djinns n'aura eu de rapport avec elles. Elles seront vierges. Urub, on avait vu Urub, c'est celle qui est aimée chez son mari. Celles qui sont aimées auprès de leur mari de par leur belle parure, leur coquetterie, leur élégance et leur séduction. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ Elles seront aussi belles que le rubis et le corail, de par leur pureté et la beauté et l'élégance de leur apparence. Puis Allah Azza wa Jal dit هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ C'est-à-dire que la récompense de celui qui a été bienfaisant dans l'adoration du Créateur et dans le fait d'avoir apporté du bien à ses serviteurs, sa récompense est qu'ils perçoivent une récompense immense, qu'ils connaissent la grande félicité, qu'ils puissent bénéficier de bienfaits éternels et d'une vie en paix. Et ces deux jardins élevés appartiennent aux muqarrabin, aux rapprochés. Car comme on l'a vu dans Surat al-Waqi'ah, dans l'au-delà, il y aura trois catégories. Il y aura les rapprochés, les gens de la droite et les gens de la gauche. Donc ici, les deux jardins qui ont été cités avec les descriptions citées, c'est une récompense qui sera accordée exclusivement aux rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit par la suite, وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ En deçà de ces deux jardins, il y aura deux autres jardins. En dessous de ces deux jardins qui ont été décrits par Allah Azza wa Jal, il y aura deux autres jardins. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ مِن فِضَّةٍ بنيانهما وآنيتهما وحليتهما وما فيهما لأصحاب اليمين وتلك الجنتان مدهامتان أي سودوان من شدة الخضرة التي هي أثر الري Et en deçà de ces deux jardins, il y aura deux autres jardins en argent. Les constructions, les habitations, les bijoux et les ustensiles seront en argent ainsi que tout ce qui est contenu. Ceci sera réservé aux gens de la droite. Et ces deux jardins seront d'un vert sombre, c'est-à-dire qu'ils seront noirs d'arbres. Ils seront noirs d'arbres, c'est-à-dire que les arbres seront en grande quantité, et ceci et cette grande quantité sera due à un arrosage abondant. Un arrosage abondant. ثم قال تعالى فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Donc Allah Azza wa Jal dit, dans les versets 66 à 78, à la fin de la sourate, selon le sens, dans lesquels il y aura deux sources jaillissantes. Donc ici, Allah Azza wa Jal parle des deux jardins qui seront réservés aux gens de la droite. En deçà de ces deux jardins, il y aura deux jardins, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Ils sont d'un vert sombre, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous, dans lesquels il y aura deux sources jaillissantes, Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Ils contiennent des fruits, des palmiers et des grenadiers. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Là, il y aura des vertueuses et des belles. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Des houris cloîtrés dans les tentes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'a défloré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Ils seront accoudés sur des coussins verts et des tapis épais et jolis. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Exalté soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de générosité. قال شيخ السعدي رحمه الله فيهما عينان نضاختان أي فوارتان فيهما فاكهة من جميع أصناف الفواكه وأخصها النخل والرمان اللذان فيهما من المنافع ما فيهما فيهن أي في الجنات كلها خيرات حسان أي خيرات الأخلاق حسان الأوجه فجمعنا بين جمال الظاهر والباطن وحسن الخلق والخلق حور مقصورات في الخيام أي محبوسات في خيام اللؤلؤ قد تهيأنا وأعددنا أنفسهن لأزواجهن ولا ينفي ذلك خروجهن في البساتين ورياض الجنة كما جرت العادة لبنات الملوك ونحوهن المخدرات الخفرات لو لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر أي أصحاب هاتين الجنتين متكأهم على الرفرف الأخضر وهي الفرش التي فوق المجالس العالية التي قد زادت على مجالسهم فصار لها رفرفة من وراء مجالسهم لزيادة البهاء وحسن المنظر وعبقري حسان العبقري نسبة لكل منسوج نسجا حسنا فاخرا ولهذا وصفها بالحسن الشامل لحسن الصنعة وحسن المنظر ونعومة الملمس وهاتان الجنتان دون الجنتين الأوليين. Donc il dit رحمه الله dans lesquelles il y a deux sources jaillissantes. فيهما فاكهة. Ils contiennent des fruits, c'est-à-dire de l'ensemble des sortes de fruits et de façon particulière le palmier et le grenadier qui sont deux arbres dont les fruits apportent énormément de bienfaits. Fihin et il y a, c'est-à-dire dans l'ensemble des jardins. Dans l'ensemble des jardins, les deux élevés et les deux qu'il y a en dessous. Des vertueuses et des belles, c'est-à-dire des houris qui ont un bon comportement et qui ont un beau visage. Elles ont donc réuni entre la beauté de l'intérieur et la beauté de l'extérieur. Elles ont réuni entre la beauté de la création et la beauté du comportement. حُورٌ مَقَصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ Des houris cloîtrés dans les tentes. Et ici, ces houris concernent les deux jardins du dessous. Des houris cloîtrés dans les tentes, c'est-à-dire qui restent dans des tentes de perles, qui sont préparées pour leur mari. Et ceci n'empêche pas qu'elles sortent dans les différents jardins du paradis, comme cela est l'habitude des filles des rois et autres qui sont timides et qui sont souvent cachées du regard des hommes. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ Qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'a défloré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Ils seront accoudés sur des coussins verts. C'est-à-dire que les habitants de ces deux jardins seront accoudés sur des coussins verts. Ici, Cheikh Saadi dit, c'est-à-dire des tapis qui seront posés sur là où ils sont assis, mais ce seront des tapis qui seront haut en hauteur, qui auront de la hauteur. Ainsi, ces tapis de hauteur qui seront posés sur les tapis initiaux fera en sorte qu'ils se positionneront derrière les gens du paradis et ainsi ils pourront s'accouder dessus. Et ceci également pour augmenter la beauté et l'apparence de leurs assises. وَعَبْقَرِيٍ حِسَانٍ et des tapis épais et jolis. العبقري, c'est-à-dire tout ce qui est tissé. C'est-à-dire que ce seront des tapis qui seront tissés d'une façon fakhir. Fakhir, c'est quelque chose de haute qualité. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal l'a qualifié de hisan, de beau. Car ces tapis seront beaux, à la fois leur conception sera de très haute qualité et leur apparence sera extrêmement belle, de même qu'ils seront extrêmement agréables à toucher. وهاتان الجنتان دون الجنتين الأوليين كما نص الله على ذلك بقوله ومن دونهما جنتان كما وصف الأوليين بعدة أوصاف لم يصف بها الأخريين فقال في الأوليين فيهما عينان تجريان وفي الأخريين عينان نضاختان ومن المعلوم الفرق بين الجارية والنضاخة وقال في الأوليين ذواتا أفنان ولم يقل ذلك في الأخريين وقال في الأوليين فيهما من كل فاكهة زوجان وفي الأخريين فيهما فاكهة ونخل ورمان وقد علم ما بين الوصفين من التفاوت وقال في الأوليين متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان ولم يقل ذلك في الأخيرتين بل قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان وقال في الأوليين في وصف نسائهم وأزواجهم فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وقال في الأخريين حور مقصورات في الخيام وقد علم التفاوت بين ذلك وفي الأوليين هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فدل ذلك على أن الأوليين جزاء المحسنين ولم يقل ذلك في الأخيرتين ومجرد تقديم الأوليين على أخرين يدل على فضلهما فبهذه الأوجه يعرف فضل الأوليين على الأخرين وأنهما معدتان للمقربين من الأنبياء والصديقين وخواص عباد الله الصالحين وأن الأخرين معدتان لعموم المؤمنين وفي كل من الجنات المذكورات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفيهن ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأهلها في غاية الراحة والرضا والطمأنينة وحسن المأوى حتى إن كل منهم لا يرى أحدا أحسن حالا منه ولا أعلى من نعيمه الذي هو فيه ولما ذكر سعة فضله وإحسانه قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أي تعاظم وكثر خيره الذي له الجلال الباهر والمجد الكامل والإكرام لأوليائه تم تفسير سورة الرحمن ولله الحمد والشكر والثناء الحسن. Donc il dit, rahimahullah, Cheikh Saadi, et ces deux jardins ne sont pas comme les deux premiers jardins cités. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal en disant en deçà selon le sens, en disant subhanahu wa ta'ala wa min dunihima jannatan, c'est-à-dire selon le sens, en deçà de ces deux jardins, deux autres jardins. Et Allah Azza wa Jal a décrit les deux premiers jardins par des descriptions qu'il n'a pas données aux deux autres jardins. Donc là, il faut bien avoir en esprit les deux premiers jardins et les deux autres. Et les deux derniers, les deux premiers et les deux derniers. Allah Azza wa Jal a dit dans les deux premiers, « Fihima aynan itajriyan » Il y a des sources d'eau coulantes. Et dans les deux derniers, Allah Azza wa Jal a dit, il y a des sources jaillissantes. Et il est connu la différence entre une source coulante et une source jaillissante. Quelle est la plus bénéfique? La source coulante. Et Allah Azza wa Jal a dit dans les deux premiers jardins, « Zawata afnan » des branches touffues. Et il n'a pas dit cela dans les deux autres. Allah Azza wa Jal a dit dans les deux premiers, « Fihima min kulli fakihatin zawjan » Ils contiennent de chaque fruit deux espèces. Et pour les deux derniers, Allah Azza wa Jal a dit, « Ils y auront des fruits, des palmiers et des grenadiers. » Et il est connu que les deux descriptions ne sont pas les mêmes, que la première est meilleure que la deuxième. Allah Azza wa Jalla dit dans les deux premiers, muttaki'ina ala furushin batainuha min istabraq wa jana al-jannatayn dan. Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart et les fruits des deux jardins seront à leur portée. Et Allah Azza wa Jalla dit concernant les deux derniers jardins, muttaki'in ala rafrafin, ils seront accoudés sur des coussins verts wa abqariin hisan, et des tapis épais et jolis. Allah Azza wa Jalla a dit concernant les deux premiers jardins en donnant la description des femmes et des maris qui résideront dans ces deux premiers jardins. Fihin qasiratu tarf, ils y trouveront des houris au regard chaste qui, qu'avant eux, aucun djinn ni homme n'aura défloré. Et Allah Azza wa Jalla a dit concernant les deux derniers jardins, ils auront des houris cloîtrés dans des tentes. Et il est connu que la différence entre les deux est claire. Allah Azza wa Jalla a dit concernant les deux premiers, hal jazaa'ul ihsan illa l'ihsan. Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Ceci prouve que les deux premiers jardins sont une récompense aux bienfaisants. Et Allah Azza wa Jalla n'a pas dit cela pour les deux derniers. Et le simple fait qu'Allah Azza wa Jalla ait cité les deux premiers avant les deux derniers prouve que les deux premiers sont meilleurs que les deux derniers. Et à travers ces différentes formes et ces différentes descriptions, nous apparaît le mérite des deux premiers jardins sur les deux derniers. Et que les deux premiers jardins ont été préparés pour les rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Parmi les prophètes, les véridiques et l'élite parmi les serviteurs d'Allah vertueux. Et que les deux derniers ont été préparés pour la majeure partie, pour la globalité des croyants. Et dans chacun de ces jardins qui ont été cités, il y a ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, et ce que nul cœur humain n'a ressenti. Il y a dans tous ces jardins ce que l'âme aime et recherche, ce qui procure plaisir aux yeux, et les habitants de tous ces jardins connaîtront une tranquillité, une satisfaction, une quiétude, et connaîtront et se rendront compte de la belle destination dans laquelle ils sont, au point que chacun d'entre eux considérera qu'il jouit de la meilleure situation et il considérera que personne ne peut jouir de bienfaits plus que lui. Puis, lorsqu'Allah Azzawajal a cité l'étendue de ses mérites et de sa bienfaisance, subhanahu wa ta'ala, il dit « Tabaraka smu rabbika dhil jalali wal ikram » Exalté soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de générosité. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal soit immensifié et que ses biens sont abondants et qu'à lui, subhanahu wa ta'ala, la majesté est parfaite, à lui la générosité envers ses rapprochés et ses alliés, subhanahu wa ta'ala. Ainsi se termine le tafsir de Sourate Ar-Rahman, et la louange et la reconnaissance appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad.